dès maintenant aussi si on le précommande sur iTunes. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus de Giorgio et avoir l'album parmi les premiers là, dès le 16 octobre. C'est ça, avec un inédit. Avec un titre inédit en plus. Donc celui-ci, vous cliquez dès maintenant, vous récupérez le morceau Rêveur qu'on écoutait à l'instant. Bon, ouais. Tout va bien ce soir? Qu'est-ce qui se passe ce soir dans l'émission? Bah, ce soir, c'est à la cool. On va des inédits, des morceaux de l'album. Et puis, hier, j'ai freestylé seul, mais là, on va freestyler avec Sanka ce soir. Sanka qui est là. Sanka, tu peux nous le présenter. C'est avant tout un pote d'enfance. C'est un ami. J'aime bien la nuance entre pote et ami. Tu as raison, donc un ami, un vrai. C'est un ami d'enfance. Okay. Et on était en sport-études, en 6e ensemble, sport-études basket. Et puis. C'est mon backer aussi sur scène parce que moi je mise beaucoup sur le live, je fais beaucoup de concerts et donc voilà, Sanka, c'est mon backer, c'est la famille. Et puis il y a aussi Rooster, mon DJ. Qu'on n'a pas salué. Je pense que le micro il doit fonctionner, mec. Le micro fonctionne ? Oui, yes. On entend ta douce voix. Ta douce voix. Donc voilà, donc Rooster qui est. Donc ça c'est l'équipe de base que tu trouves. Ça c'est l'équipe sur scène, c'est Rooster. Et Diaby aussi. Vas-y, dis-nous un petit mot Rooster quand même. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà. Voilà, il est un peu timide. Voilà. Et Diaby. C'était précis, carré. Alors là, la célébrité de Diaby augmente. Vas-y, Lenel, un petit mot Lenel. Non, ça va aller pour aujourd'hui, je pense. Ah merci. Ah. C'est l'équipe qui est tristement célèbre. Qui est tristement célèbre, qui t'accompagne, mais qui est discrète comme on peut le remarquer à l'instant. Ouais. Voilà, qui sont sur scène avec toi. Ouais, on est tous les quatre. Nos concerts, on est calme, mais sur scène, on est. Concert au mois d'octobre et tournée qui va aller loin, hein, jusqu'en 2016, avec la Cigale aussi. La Cigale le 22 janvier. Donc 22 janvier à pas louper. Ouais, carrément. Tu te souviens, toi, la toute première fois où t'es monté sur scène ou pas, Giorgio? Toute première fois. Hein. Ouais, c'était notre premier concert. On était déjà tous les quatre, mais alors il y avait Sanka et Diaby qui étaient mes deux backers. Et Rooster qui était le seul DJ, mais Diaby gueulait tellement fort qu'on l'a foutu derrière les machines. Plus fort que genre. Et puis dans un bar qui s'appelait Les Combustibles à Gare de Lyon. Ouais. Très bien. Et alors l'état d'esprit du Combustible? On stressait, on avait tous la chiasse, mais sympa les toilettes du Combustible après le passage de l'équipe. mais c'était vraiment super, c'était notre premier concert et c'est quelque chose auquel t'as pensé beaucoup la scène quand t'as enregistré cet album ou pas, Giorgio? Non, j'essaye de pas trop penser à la scène parce que sinon c'est que des morceaux très énergiques, etc. Et c'est pas forcément ce qui me ressemble le plus, donc justement j'y pense le moins possible. Même si maintenant ça fait forcément partie de ma vision de la musique en général, mais j'essaie de pas trop y penser et parce que je pars d'un état d'esprit où je pense que chaque morceau peut avoir une version live qui peut être différente ou Ah oui, tu retravailles les morceaux aussi pour le live. Ouais, parfois on les retravaille ou parfois justement on les garde calmes mais ça donne une autre atmosphère qu'un truc super énergique, mais c'est tout autant intéressant. Bon, il y en a quelques-uns aussi d'ailleurs sur l'album où tu vas t'éclater. Hein. Je pense le fameux Appel à la Révolte. Ouais, Appel à la Révolte. Que t'as déjà joué d'ailleurs celui-ci sur scène. Hein. Carrément. J'ai vu des images. Non, 92, je crois que t'avais fait un festival. Oui, c'était au festival de Chorus à la Défense. Et là, c'était un bordel. Franchement, s'il y a des gens qui étaient présents à ce concert et qui m'écoutent, merci. Merci à vous. On dira rien d'autre. Merci. Bon, allez voir aussi donc Giorgio sur scène là, à partir du mois d'octobre. Les prochaines dates, c'est rapidement. On vous les filera d'ailleurs dans la semaine. Ouais. Entre 20h et 21h. Et puis la sortie le 16 octobre de cet album Bleu Noir qu'on découvre tous les soirs. Donc en exclu. Ouais. Tous les soirs, il y aura du live aussi. Donc ce soir, hein, tu le disais. Avec Sanka, ouais. Et j'ai pas précisé, excuse-moi de te couper. Live spécial Mobb Deep. Que des prods de Mobb Deep ce soir. Très bien. Donc ce que tu avais beaucoup écouté justement dans les années 90. Ouais, exactement. Mobb Deep, le deuxième et le troisième album. Elon Air, c'est une Famous, c'est mes références. Donc ça, c'est les trucs que t'as saigné en rap qu'un riz. Ça a beaucoup tourné, ça tourne peut-être encore. Non, ça m'a un peu saoulé, mais ça a beaucoup tourné. Bon, loupez pas tout à l'heure le live, le hashtag, c'est Giorgio sur Skyrock, vous balancez tous vos messages. Est-ce que le portable, ça sonne, Giorgio? Ça sonne, mais. C'est 06 71 74 94 15 pour joindre Giorgio à n'importe quel moment dans l'émission pour balancer des messages. N'hésitez pas, c'est sa ligne directe jusqu'à vendredi. 06 71 74 94 15. Ah, il y a un appel, tiens, je le prends. Mets sur haut-parleur qu'on puisse tous profiter. Ouais. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, hein, d'où tu viens, ça sort quand Allô Ah, ça a raccroché. Ah, échec à peine. Mais c'est vrai, parce que de toute façon, sur mon portable, je réponds pas souvent non plus. Donc, Ah, bah si vous voulez joindre Giorgio, allez-y hein, cette semaine. Ah, ça a un autre numéro, attends. Allô ? Ouais, allô Giorgio. Ah, ça marche. Ouais, ça va ? Ouais, bien ou quoi ? Ouais, tranquille, c'est qui ? Tranquille, c'est Charles. Charles ? Ouais. Yes, tu viens d'où ? On vient de Paris, hein, on est là. Ah, cool, cool, frère, ça fait plaisir, mec. Moi, je te suis depuis Soleil d'hiver. Ah ouais, bah, ouais, qui était mon premier EP en sortie. Je crois que ça a marqué beaucoup de monde, hein, celui-ci, ouais, hein, Soleil d'hiver. Ouais, bah ça me fait plaisir. Moi, t'es pressé d'écouter l'album ou quoi ? Moi, j'ai bien aimé. Comment ? J'ai bien aimé, ouais. Non, je t'ai demandé. Il a déjà écouté peut-être l'album. Ah, tu l'as. Ouais, c'est ça, tu l'as déjà entendu. Ah non, pas de nouveau, non. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il a bien retenu quand ça sort, surtout ? Est-ce que tu sais quand il sort le prochain album ? Enfin, le. Oui, exactement. Bah, merci, hein, ça fait plaisir en tout cas. Yes, bah allez, bonne soirée. Eh bah merci à Charles de nous avoir passé un coup de fil. Big up à Charles. N'hésitez pas, vous aussi, 06 71 74 84 15. On met un morceau ? Ouais. Le héros ? Allez, héros à fond, ouais. Héros, c'est parti, c'est extrait du projet de Giorgio. Et maintenant, je chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous mes frangins. Changer l'enfoiré devant son miroir est de plus en plus difficile. Que faire, je suis sur le plongeoir. Y'a le succès dans la piscine. Est-ce que je dois faire le grand pas au risque de me perdre, de plus aimer ma musique? L'année dernière, j'ai vu un frère faire une tentative de suicide. J'ai besoin d'être adouci, enfermé dans mon petit chez moi, j'ai quitté la rue. Les faux potes pour les concerts. Avec mes frangins, on est sur la route. On a déchiré les posters qui traînaient dans nos chambres d'ado. Ouais, je prends de la hauteur. Mais j'ai peur de la chute. Que ça change mon visage, qu'à faire de la thune modifie l'atterrissage. Ma mère m'a fait comprendre que j'étais un adulte. Rien qu'elle se plaint, qu'elle me parle de factures. C'est dur, j'ai des liens, oui, sensibles aux fractures. J'ai fait du mal, je compte plus toutes mes bavures. Et toi, tu critiques comme si j'étais au-dessus, mais t'es baisé à nu. Je repense à mes premiers textes au repas mangé, dans la souffrance au foyer. Et maintenant, je chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous mes frangins. Je vois tout le monde qui saute en concert. Je vois son cas qui fait sauter mes sœurs, qui fait sauter mes frères. Porté par la foule, on se lave, on se casse la bande des héros. Et le lendemain dans le train, je repense à chez moi et tout repart à zéro. Et si je suis totalement dans l'erreur, que j'ai pas le choix, que rien se présente à ma porte, dis-moi à quoi j'aurai le cœur. Je suis un bad boy, mais je veux pas affronter l'échec du premier album. Donc, je balance ce rap qui cogne, tomber dans l'oubli, non c'est archi mort. Je donne le maximum, pas envie de pourrir dans un taxiphone. Important de savoir d'où l'on vient, mais surtout pourquoi on s'est barré. La devise de 100K, j'ai mes potes en boussole, rien ne change même si les voyages vont nous séparer. Bien sûr que j'ai eu le choix entre le détail et les bisonnettes. Nique le kilo d'herbe, je préfère écrire mes rêves, étaler des feuilles blanches sur des kilomètres. Mener ma vie honnêtement, un seul mot d'ordre, rester vrai dans tous mes disques. Faut que ma famille puisse adhérer à ce que je dis, laisser dans mon ancien survêt mon putain de tournevis. Ignorer tes commentaires, ta naïveté, ton mépris. Changer l'enfoiré devant son miroir, est-ce encore dans mes cordes? Moi je vais dans le désordre. Je fais d'eau, de feu, de vent et de glace. Chez nous on devient un homme dans l'effort. Et maintenant je chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous les frangins. Je vois tout le monde qui saute en concert. Je vois son cas qui fait sauter mes sœurs, qui fait sauter mes frères. Porté par la foule, on se lave, on se casse la bande des héros. Et le lendemain dans le train, je repense à chez moi et tout repart à zéro. Vas-y, remets ça. C'est sûr, on va la faire avec le cœur, celle-là. C'est sûr, ouais. Le morceau s'appelle Héros, vous le retrouvez sur Bleu Noir, l'album de Giorgio qu'on découvre cette semaine avant la sortie le 16 octobre, à pas louper. Giorgio avec nous entre 20 et 21 du live tout à l'heure. Et juste avant, comme tu nous as présenté tous ceux qui sont là, qui sont proches, sont avec toi depuis le début, nous allons faire un petit jeu qui s'appelle le questionnaire Ami pour la vie. Oh, oh là là. Il se passe des choses, carrément. Ami pour la vie, c'est simple, je vous pose des questions, tiens, à Sanka et à toi. Ouais. Donc vous devez tout savoir l'un sur l'autre. En fait. Par exemple, première question, sa date de naissance. 21 janvier 1993. Ouais. Je confonds avec la cigale parce qu'ils me font stresser. C'est avec 22, ça, ouais. Et toi alors, Giorgio, est-ce que tu connais bien Sanka aussi? Espèce de lâche. Questionnaire Ami pour la vie, quelle date de naissance pour Sanka? Je sais. Attends, c'est en juin, non? Pour l'instant, il y a. Non. Je dis une connerie. Tu vois, ça tire hier, il tire comme ça, tout ça. Oh là là, putain, erreur. Non, je ne sais pas. Vas-y, balance tout. 24 juillet. 1993. On est de la même année. Même génération, génération 93. Bon, on va dire qu'il y a 1-0 pour l'instant. Je suis désolé pour Sanka, qui était plus brillant. Attention, ça se complique. La ville de naissance de Giorgio. Était à Paname. À côté. Au Lila. J'ai un petit indice. Et il est né à Djibouti. Aïe aïe aïe. Ah, c'est. Aïe aïe aïe. Bon, allez, c'est bon. 2-1. Plus exotique. 2-1, un peu plus exotique. Son occupation préférée un samedi soir à Giorgio. Samedi soir est important, ne me demandez pas pourquoi. Pas concert. Ah non, non, un soir normal, sans concert, sans rien. Ah, je pense que c'est l'équipe TV. Hein. Tu confirmes? Est-ce qu'on lui donne le point ou pas? Kidia, à moitié. 0,5. Kidia, je sais pas trop. Ça se joue entre les deux, quoi. Non, c'est parce que moi, je suis un casanier, je sors pas trop et j'avoue, passer 2 heures du mat, je mets l'équipe TV pour m'endormir. Donc c'est bon, le point accordé alors. Ouais, accordé. Et Kidia, c'est à quelle heure alors? Kidia, c'est quand je suis vraiment en galère de thunes. Ça peut être n'importe quand, ça. Bon, alors pareil, occupation préférée de Sanka le samedi soir? Moi, je dirais au dojo avec une petite canette, des potes, une console et des choses interdites. Des substances. Ouais, n'allons pas Sanka trop loin non plus, mais on confirme. Allez, confirme, donc tu as quand même 3-2 pour l'instant. Les vacances, mais sa destination préférée pour partir en vacances? Voilà, tu me fais une colle. Déjà, tu sais, quand on part une semaine, il a envie de rentrer à Paris. On était au Brésil, tout ça. Il fait, c'est quand qu'on rentre. C'est pas vrai, t'es comme ça, toi? Je te jure. Non, mais moi, je suis un casanier de ouf, je te jure. Ah, t'aimes mais pas en sortir, fait, j'aime bien partir, mais j'aime bien qu'il y ait un retour. Ah, t'aimes bien de savoir quand tu rentres, Ouais. Je dirais, je sais. Allez, je tente la Guadeloupe, parce que c'est chez lui. Je dis ça. En fait, c'est sans doute une destination. Parce que ma mère est métissée guadeloupéenne et c'est. Sans doute la destination que j'avais le plus envie de connaître, car j'ai jamais été là-bas. Non, jamais été. Et pour son cas, je dirais l'Espagne. Parce que souvent, il a des bons plans en Espagne. Non, mais c'est vrai. Jonquera? Non. Non, il faut pas réduire l'Espagne à ça. Il faut pas réduire l'Espagne à ça. Non, mais c'est fou parce que tu dis Jonquera, tout le monde connaît quand même dans le studio. Hein. Moi, je constate, c'est tout. Non, mais dans le studio, on en a là. Très sérieux. Qui ont des cartes de membres. T'en penses quoi de l'Espagne? En plus, t'avais passé des vacances là-bas. J'en ai passé plus d'une fois des vacances là-bas. Ouais, c'est pour ça. Bah, allez, je te l'accepte parce que c'est ton planète rap. Oh, l'enfoiré. On en est où sur les comptes d'ailleurs? On en est où sur les comptes 4-3? 4-3 pour toi, pour son cas. Alors attention, sa série préférée. Série préférée. Ah là là. Déjà, il a dû regarder 3 films en tout cas. Non, t'inquiète, je vais être méchant parce qu'hier, j'ai pas accepté ce qu'il a fait. Oui, je comprends, vas-y. Ça va lâcher comme ça. Allez, The Wire. Ouais. Franchement, j'ai regardé séries dans ma vie, c'était The Wire et Breaking Bad. Et alors pour son cas? Sa série préférée. Là, c'est pour être sûr de valider un petit peu. Je dirais en ce moment, il kiffe Narcos. Ouais. Mais préférée, je dirais. Genre le parrain, un truc comme ça. C'est pas une série, ça? Non, c'est une série. Il y a plusieurs volets. plusieurs volets. Il y a plusieurs volets. T'aimes pas le tu aurais pu dire les Sopranos un peu dans le jeu. Les Sopranos, t'aimes bien ça? Ouais, les Sopranos, ouais. Vas-y, on accorde Narcos. Allez, ouais, c'est bon. Ne va pas plus loin, Giorgio. Attention, c'est moyen. Amis pour la vie ou pas, j'ai envie de dire les compteurs sont remis à zéro parce que là, c'est la question finale. Okay. Oh. On va savoir si vous allez être amis et rester amis pour la vie après cette question. Giorgio. Ouais. 100K. Le nombre d'ex. Ouais, tu vas me faire avoir des problèmes. Bah, c'est fait exprès en même temps. Hein. Oh, mec. Non, mec, j'ai un planète rap, je peux pas compter. 100K, tu vas porter un nombre ou pas? Vas-y, dis. Je pense que t'es à peu près dans le... Tu sais, à peu près. Dans le même tête. Non. Moi, je suis plus sérieux. Ouais, je sais ça. Non, bah... Et tu l'as mis mal à l'aise. Ah, les deux là. C'est quoi ce moment de mal à l'aise qui vient de s'instaurer dans l'émission? Non. Je te vois calme, Giorgio. Tout va bien. Hein. Tout va bien, c'est bien. Tu t'en es sorti par une pirouette. T'inquiète pas, tout va bien. Ouais, non, je l'ai vu, genre... Ouais, putain, lui avec ses questions à la con. Hein. Oh là là. Il va me foutre dans une merde quand je vais rentrer à la maison. Putain, pourtant j'avais tout dit que j'étais casanier et tout. Merde. Non, bon, non, bah non, bravo, vous méritez largement d'être amis pour la vie. J'ai envie de vous applaudir parce que c'est beau une amitié. C'est beau. Bro. Merci. Giorgio et Sanka qu'on retrouvera d'ailleurs en live d'ici quelques minutes. On mettra aussi d'autres morceaux. Tiens, j'ai déchiré ma feuille, je suis con. Moi. C'est... Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les anges déchus. Les anges déchus, ouais. Dans un instant. C'est mon préféré. Ah. Ouais, c'est un très beau morceau celui-ci. Ne bougez pas, ça arrive. Le Planète Rap de Giorgio, il y aura aussi du live à pas louper. La roulette qui va tourner d'ici une demi-heure. Inscription par SMS 41759. 41759. Et le hashtag, c'est Giorgio sur Skyrock. Yes. 20h21h, Planète Rap reçoit Giorgio. Skyrock. C'est le Planète Rap avec Giorgio entre 20h et 21h. L'album Bleu Noir qui arrive le 16 octobre sur Skyrock avant de passer au live tout à l'heure, avant de passer au freestyle par téléphone. On en est premier un morceau. Un morceau qui a été clippé aussi, hein, tout comme Rêveur. Et Héros aussi. Et Héros aussi. C'est un morceau qui s'appelle Les Anges Déchus. Les gens déçus. Voilà. Ouais. C'est un très beau morceau, hein, de l'album. Franchement, celui-ci, je sais pas dans quelles conditions tu l'as écrit, s'il y a eu quelque chose qui t'a motivé en particulier pour le composer. Ouais, j'habitais à Aubervilliers et j'allais faire au quatre chemins et j'allais faire mes courses à côté d'un Franprix. Il y avait toujours là les équipes là-bas posées et tout. Je sais pas. C'était, je crois, la première vision qui m'a inspiré ce morceau. Donc ouais, il a fallu cette vision et tu as écrit ce morceau. Ouais, après c'est comme si je parlais à une personne mais fictif et finalement c'est plein de personnes que je connais réunies dans un faux personnage. Et bon, on va l'écouter maintenant. Sans doute vraiment. On va l'écouter maintenant, Les Anges Déchus, Les Gens Déçus sur Skyrock, c'est extrait de Bleu Noir avec Giorgio. Ouais. Chaque coin de rue ça pue l'amertume, ça vend la verdure. Crois pas que l'amour a perduré, on pense qu'à faire du blé avec la tête dure. On a tous fait nos preuves dans des quartiers sombres. On y passe les 4 saisons, ils ont fait des conneries. On a goûté nos refs, faut pas que petit frère fume et boive. Rêve de salope, insulte les femmes. En 2-3 fréquentations, deviennent le pire ennemi de l'état. Combien on gérait des fours, là juste tu la vois. Quand tes bâtiments t'ont joué des tours, je sais que la galère ça pousse au vice. Qu'on sera plus intelligent entre les cours et la rue, on est de vrais couteaux suisses. J'ai trop entendu ces paroles dans des halls avec les vides pétées. Demande à ses selles, craquer, je me répète comme un disque crayé. Traîner avec les mêmes gars, parler de tout, de rien reporter. Les objectifs de la veille, dire qu'on gère à tout demain. Serrer les mêmes mains, croiser les mêmes regards, des refrains qui descendent. Avec une barrette de 10 ou une canette de cheese. Des packs de bière après la salle de sport, des grecs à emporter. Putain de quartier à tête de mort, y'a le poteau qu'on voit plus trop. Sur son dos y'a des rumeurs, des clans qui se forment, ça pue la pisse. Sur le banc des gens qui dorment, tu vois ton ex du collège. Elle pense que t'as pas changé, que t'es encore la proie de la PAC. Et tu la vois monter dans un BM d'un mec costard cravate. Ça vanne dans tous les sens, dire qu'elle t'avait fait cocu, que t'avais pété les plombs, t'avais traité sa mère grosse pute. Tu sortes 48 heures de garde-af, c'est pas grave, hein. T'as jamais peur du placard, ni des bagarres. C'est ta life, hein. Ça sort tête haute sans donner de nom. Au checks on a tous des blasts sauf toi. Pareil, y'a rien qui te correspond. Ça rend dormir quand nos mères se lèvent. Faut cacher les yeux rouges, complètement bourré. T'as réveillé ta sœur qui t'a dit mais

elle est discrète. Voilà certaines de mes qualités. Plus que jamais me tester serait une calamité. Demande au vrai, foncé, je suis le pâle bridé. Mon niveau, personne n'en a idée. Hâtif j'étais aujourd'hui, cherche à devenir érudit. Shoutout à méga masto, grand train polto, le mou érudit. Si tu nous vois pas dans le rap boy, c'est qu'on l'étudie. Si les rappeurs ont des trous de mémoire, c'est qu'on les fusille. La prod se mystifie, belle débute se libère. Mon arrivée est infernale, trop tant que j'hiberne. Mon flow se déverse par camion citerne. Tôt ou tard, je percerai, la vie n'est pas citerne. Shakespeare à l'instant, en freestyle. Merci à toi, Shakespeare. Ah, merci, merci à vous. Eh bah, bravo, tu vois, c'est bien passé. Ah, c'était cool. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, balance. Ouais, Facebook, Shakespeare officiel, T-C-H-E-K, F-B-I-R officiel. Shakespeare. Twitter, ouais. Twitter, Shakespeare, T-C-H-E-K, F-B-I-R. Y a moyen que je passe une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Bah, c'est pour Masto, mon ref, même si on est cousins, c'est mon ref de toujours. Pour Cédric, pour Dylan, pour Topol, pour Grand Frein, Lemou, tout le monde, toute ma clique. On est là. Jordan, hey, c'est la Libertad. Merci à toi, Shakespeare. De rien. A bientôt, ciao, yes, passe une bonne soirée. Et n'oublie pas, 16 octobre, sortie de Bleu Noir, l'album de Giorgio. Un petit mot aussi sur ce qui va se passer jeudi pour le freestyle, Giorgio, parce qu'on ne l'a pas dit depuis, le début de l'émission. Bah ouais. Jeudi, on va faire un gros live avec 100K en reprenant des morceaux de l'album en live. Et on va faire une vraie impro avec des mots que vous pouvez nous donner en envoyant des mots avec le hashtag Giorgio sur Skyrock. Donc tu vas récupérer quoi, 10-15 mots? Ouais, 10-15 mots et on va faire une impro avec. Donc tous les soirs, hier on a eu pas mal de trucs. Hein. Ouais, je me rappelle, poutine, carottes, sanglier, c'est 13 animaux hier soir. Ouais. Donc dites-nous, balancez un mot que Giorgio peut reprendre avec 100K en freestyle jeudi avec le hashtag Giorgio sur Skyrock, il sera peut-être pris ce mot, allez-y. 41759 aussi par SMS et pour s'inscrire aussi pour faire tourner la roulette. Avant de passer au live, on finit avec un morceau de Bleu Noir de l'album. Ouais, carrément. On pourrait... Un morceau qui s'appelle Rose Noir. Ouais. C'est ça? Ouais, Rose Noir, c'est un inédit de l'album. Et Donc titre inédit. Ouais. Avec une jeune fille qui est dessus aussi. Ouais, Elisa Joe. Elisa Joe. Ouais, carrément. D'habitude, elle chante en anglais. Mais moi, j'aime pas trop les morceaux français-anglais. Et j'aimais bien sa voix, du coup. J'ai écrit le refrain en français. Et donc on a fait un morceau comme ça sur le désamour. Et bon, on va l'écouter maintenant, on le découvre. Yes. Vous réagissez sur Skyrock avec le hashtag Giorgio sur Skyrock. Pendant que les mots arrivent, je vois choucroute arriver. Oh là, aïe, aïe. La bouffe, hein, les animaux, la bouffe. Ah, ce soir, hier c'était animaux, ce soir c'est la bouffe. Allez, balancez. Que sais-tu de l'amour? Pas grand-chose, tu parles à fleurs au fusil. Le cœur comme un tambour, à confondre les roses et les bouquets d'orties. Les fleurs du mal ne poussent pas que dans les poèmes de Baudelaire. C'est au bouquet final que tu te dis que l'amour c'est la guerre. C'est pas Versailles dans tes jardins secrets. Et si t'as assez d'air pour voir que tout part en fumée, tu n'as plus assez d'air pour respirer les roses fanées au final. Je vais te faire une dernière faveur, t'avouer que tout est normal. Comment te dire sans faire trop de commentaires que ton histoire est banale, que les fleurs ne poussent pas en hiver, on est tous passés par là. Dis-toi qu'on s'aime, que du vent, toujours le même combat. Est-ce que l'on s'aime vraiment? Souviens-toi de cette fleur sur le béton, écrasée par un enfant qui court après la peur comme on court derrière un ballon. Reste pour chercher l'amour, finis par mettre des roses noires sur des prénoms, à ne plus apercevoir les peu de fleurs qui poussent sur le béton. Amour perdu comme le bâton d'appui des peureux. A mon avis l'astuce est de croire encore aux fleurs bleues. Quand les mandragores de Glasgow te font rester jusqu'aux dernières chimères, que chaque pore de ta peau porte les croix de tous les cimetières quand tes yeux trahiront. Qu'il ne restera des fleurs que le parfum. Tu quitteras la maison laissant des chrysanthèmes dans le satin. T'as pas ta tête comme ça, les murs n'y sont pour rien. Va pas jusqu'à penser tous des salauds, tous des putains. Tu verras ton maquillage qui coule dans le reflet d'une flaque d'eau. Tourner la page, rentre les coups, ne pas s'en sortir K.O. T'as ce qu'on te jette, dis-toi que tu rebondis. Qu'on est tous passés par là et qu'on s'en est tous sortis. Souviens-toi de cette fleur sur le béton, écrasé par un enfant qui court après la peur comme on court derrière un ballon. Reste pour chercher l'amour, on finit par mettre des roses noires sur des prénoms, à ne plus apercevoir les peu de fleurs qui poussent sur le béton. La rupture, c'est la voiture en forêt qui éteint ses phares. Combien de fleurs autour pour qui veut bien les voir? Chercher l'interrupteur, faut pas avoir peur de se battre, de soigner sa douleur dans les essences des fleurs de Bac. Quoi, un trou dans la tempe, lancer un trou de mémoire dans ta tête. Et tant pis si la route tourne à l'envers, c'est rare de se souvenir à t'attends sous d'autres soleils ou à d'autres carrefours. On est tous passés par là, les mains vides, le cœur lourd, le mal au ventre, le teint livide, les yeux rougis, la gorge nouée. On est tous passés par là, mort à la place, soleil éteint, sans pouvoir remonter la pente, à en souffrir jusqu'à haïr et dégueuler. On est tous passés par là, les mains vides, le cœur lourd, le mal au ventre, le teint livide, les yeux rougis, la gorge nouée. On est tous passés par là, mort à la place, soleil éteint, sans pouvoir remonter la pente, à en souffrir, haïr et dégueuler. Souviens-toi de cette fleur sur le béton, écrasée par un enfant qui court après la peur comme on court derrière un ballon. À te rechercher l'amour, on finit par mettre des roses noires sur des prénoms. À ne plus apercevoir les peu de fleurs qui poussent sur le béton. Le morceau s'appelle Rose Noire, titre inédit avec Elisa Joe. On le retrouve sur Bleu Noir, justement. Ouais. Beaucoup de couleurs, hein. Beaucoup couleurs sombres, mais des ouais. couleurs quand même. Hein. C'est ça. Ce mélange, justement, entre le rose, entre le noir, entre le bleu, entre le noir aussi. Ouais, bon, c'est un peu un jeu de mots à la con, là, pour le coup, le titre. Mais, mais le titre, c'est pas un morceau à la con. Bon, est-ce que c'est dur à écrire, justement, des morceaux comme ça où ça parle d'amour, ça traite d'amour? Est-ce que c'est compliqué? Ouais. C'est bah vrai? Oui, parce que. Enfin, il y en a tellement, mais tellement qui sont nuls que. Qu'essayer de faire un bon morceau, bah c'est compliqué, quoi, sans prétention. Enfin, mais c'est vrai, et puis c'est tellement intime, et puis il faut que ça soit vrai, beau, mais il faut pas tomber dans un truc con-con, ni trop consensuel. Donc c'est une ligne fine qui est compliquée, quoi. Toi, t'es quelqu'un qui jette beaucoup de textes, enfin qui jette ou qui met de côté souvent beaucoup de textes. Je mets pas beaucoup de côté, mais je finis rarement mes textes. C'est vrai? Ouais, j'écris souvent, mais la plupart, je vais pas jusqu'au bout. Enfin. Donc t'as plein de cahiers remplis de débuts de textes ou des ouais, textes pratiquement finis. Des 4, des 8 mesures, mais je les sortirai jamais parce qu'ils sont pas bien. Et tu vas pas piocher de temps en temps un truc en disant putain, c'est vrai que j'avais écrit un truc un peu là-dessus? Bah ça m'est arrivé jusqu'à Bleu Noir, mais à Bleu Noir, je suis vraiment parti de zéro parce que j'avais presque utilisé la totalité de tous mes textes, de tout ce que j'aimais. Donc franchement, pour Bleu Noir, c'est le premier projet où j'ai tout écrit spécialement pour ce projet. Donc t'es devant la feuille blanche? Voilà, ouais, c'était vraiment ça. Et chaque début de morceau, c'était la feuille blanche. Ça vient plutôt. Simplement ou faut te pousser un peu dur? Bah ça vient simplement, après faut que j'aime, mais oui, enfin c'est rarement des thèmes qui m'inspirent, c'est plus des mots ou des idées de titres ou des instrus, des prods. Et bah vous pourrez découvrir. Là, ouais, celle-là c'était de Rose Noir, c'est une prod de Hugs, qui est un beatmaker signé sur Senzu, le label de du S-Crew, hein. Ouais. Donc force à eux et force à Hugues. Et bah une petite dédicace à toute l'équipe. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour le live maintenant, Giorgio, 104? Ah ouais, à fond. Ouais. Donc spécial Mob Deep là. Spécial Mob Deep. Ouais. Allez, c'est parti, les instrus de Mob Deep et vous rappelez dessus, c'est parti. C'est parti. 1-1-1-1-1-1-1. Ouais. Non. On peut pas commencer sur ça, l'ancien. Ça, tu l'as déjà entendu, on a cherché des morceaux bien, des prods bien plus loin. Ah. Enfoiré, qu'est-ce que ça, Jeep, putain, XV3, 1, c'est 1, genre tu sens un cas, 1, 1. Incompris dans le rap, t'es les Beastie Boys, hystérique comme une petite qui chiale. En contrôle les flics misogynes, je te crois, ça fait clic-clic, paf. C'est embêtant, je déteste la violence, je préfère la romance. Mais si tu joues trop l'arrogant, je suis obligé de te rentrer dedans. Même si ça me fait mal au cœur, je te mets des droites avec ma main qui écrit mes textes. Montre-moi mes droits d'auteur et pour le reste, tu veux l'astuce, envoie du sky, je te la donne. Je crache le feu, je suis éclairé par les flammes de la mort. C'est pour les dentistes qui finissent étantés, les grossistes qui mettent du pif dans un match là éventré. J'ai fait les 400 coups avec des milliards de frères, on a trop de proches là-haut pour eux. Des pirates de l'air. J'ai mes failles, j'ai mes qualités. Que des gars sûrs que ma mère a validé. Et pour demain, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Une chose est sûre, nos bagages sont pleins, on se laissera plus dévaliser. Sans te mentir, je suis pas souvent bien dans mes baskets. Comme cette connasse qui se plaint parce qu'elle a pas choisi d'être princesse. Chez moi, on se rassure en se disant que on ira loin. Ouais. Sous dans la merde, juste en voulant rester sincère. Hakim m'a dit t'inquiète, je protège ton dos et si c'est plein de traite. T'iras deux fois plus vite si t'éteins ton joint de sève. Puff, je garde où et j'en ai fumé des plaquettes. Excusez-moi, je vous ai fait pleurer, je voulais bien faire. Après l'orage, y'a le beau temps, donc j'attends que ça passe. Je sortirai pas à soir. J'taffe pour prendre leur place, pour rendre au mien ce que je leur dois. J'ai mes plans d'attaque. En attendant, je fais du son en espérant que ça marche. Gros, les histoires de nos vies font donc un dalle. Ça me rend heureux chaque fois que je quitte la réalité. L'avenir, c'est un mot qui fait peur. La routine, ça me fait penser. L'alcool, ça me fait pencher. J'avance et ça s'empire. Dans ma tête, c'est le chantier. Dans ma tête, c'est le chantier. Ouais, dans et ma tête, c'est le chantier. Je pense en soirée chaque jour. Hein, je pense à l'été, la plage entre Cannes et Nice. Les femmes que mes potes draguent, nos caractères qui s'empellissent. Moi, je préfère rester dur vu que je suis pur et qu'il y a plein d'envieux. Loin d'être parano, je rattrape mon sommeil dans des trains de banlieue. Si tu savais tout ce que je voyais, c'est surprenant. Je connais la tête et les bourgeois. Je vis plus vite que souffle vent, certes, avec beaucoup de lacunes. Je sais que je sais rien, j'idolâtre les gens cultivés. Et ceux qui cultivent la thune ont fait du mal au terrien et être si bête. Je peux lire tes conneries sur internet. Quand tu parles, ma liberté s'arrête. Dans une autre vie, je ferai sauter les frontières, tels les murs de Fresnes. Peut-être qu'ensuite, on s'aimera pour de vrai. Pas facile d'imaginer le monde enfoiré. Tu sais comment ça se passe. Crois pas que la terre est ronde, enfin si elle est. Mais je me perds dans mes textes, enfin vrai. Je veux des pépettes, me balader, ouais, pépère dans mon check. C'est dealer sans cas. Après tout seul, tout ce qu'on sait on l'a appris tout après seul. Tout seul, tout ce qu'on sait on l'a appris tout seul. On fait confiance à personne depuis qu'on s'est pris des coups. On fumait du seum, on a quitté les cours avant le bac et le rap. On arriverait à croire qu'on en vivrait des fous. On a vite déchanté avec un pied dedans. Chez nous ça m'y sert à rien vu qu'on tient jamais nos promesses. Ça suffit pas ta prestance. Star grande bière blanche, la nuit fera parler nos problèmes et puis échapper nos poèmes en même temps. J'en ai marre de voir nos vies qui se fanent. Je veux quitter ce monde, je veux pas la mort mais je veux quitter ce monde. T'es pas d'accord. Et vu qu'on s'en tape de ce qui fait ce con, nous on taffe ensemble et on se donne de la force. Faut qu'on s'emmerde ici, pourtant je veux pas me passer la corde. En fait, faut juste se mettre à l'abri. Le temps que les nuages dissipent sans faiblir, même si t'as froid. Et si t'y tiens, ça peut faire plus de 10 piges que t'as. Et le bonheur tu sais même plus ce que c'est. Chaque coin de rue ça pue la mer, tu me savons la verdure. Crois pas que l'amour a perduré, on pense qu'à faire du blé avec la tête dure. On a tous fait nos preuves dans des quartiers sombres. On y passe les 4 saisons, ils ont fait des conneries, on a goûté nos rêves. Faut pas que petit frère fume et boire et de salopes insulte les femmes. En 2-3 fréquentations deviennent le pire et de l'état. Combien on gérait des tours, là juste tu la vois quoi. Quand tes bâtiments t'ont joué des tours, j'ai que la galère ça pousse au vice. Qu'on se croit plus intelligente, les cours et la rue on est très couteau suisse. J'ai trop entendu ces paroles dans des halls avec les vides pétées. Mande à ces scènes, craquer, je me répète comme un fils créé. Traîner avec les mêmes gars, parler de tout, de rien porter les objectifs de la veille. Dire qu'on gère à tout demain, serrer les mêmes mains, croiser les mêmes regards, des poteaux qui descendent. Avec des barrettes de cheese et des canettes de cheese. Des packs de bière après la salle de sport, des grecs à emporter, putain de quartier à tête de mort. Y'a le poteau qu'on voit plus trop, sur son dos y'a des rumeurs, des clans qui se forment, ça pue la pisse. Sur le banc des gens qui dorment, tu vois ton ex du collège. Elle pense que t'as pas changé, que t'es encore la proie de la bague. Et tu la vois monter dans un BM d'un mec costard cravate, ça va dans tous les sens. Dire qu'elle t'avait fait cocu, que t'avais pété les plombs, t'avais traité sa mère grosse pute. Je fais trop souvent l'amalgame entre ce qui est bien et puis ce qui est pas mal. Peut-être qu'un jour ça changera, je marche à tâtons et ça me rend malade. Ma mère croit que je lis l'avenir dans des canettes de bière. Et moi je crois qu'il faudrait que j'arrête de le faire. J'y vois rien depuis quelques années, ça s'assombrit. Comme si j'avais pas compris la combine. J'y reviens à chaque fois, à croire que j'ai pas le choix. Je me reconnais plus, donc si tu me crois, je te dirais que j'étais pas le bon type. On m'a dit d'y croire, je sais pas à quoi me rattacher. Sûrement pas à ma vie crade, vu qu'on détache pas le passé. Le limite, tout sert avec mon frasson et puis c'est tout. Pour l'instant, on s'en fout, on fout la merde, on me dit que c'est cool. Et puis, hey, nique-toi en fait, là, je résumais ma vie, quoi. Tu me verras sourire quand on aura brûlé ta ville. Si je dis que je vais le faire, c'est pour quitter Paris. L'ivresse et la flemme, on va le faire. Je me suis déjà perdu, mais j'arrive. J'ai jamais fait la coupole, je connais les coupes gorge. J'ai jamais fait la coupole, hein. J'ai jamais fait la coupole, je connais les coupes gorge. LOL qui se transforme en Woodstock. Les keufs qui mettent des coups de crosse. Du rap qui transpire la haine, sort d'un fun, un spliff, un fond de flash. Madrone a accouché d'un fils, un dôme top. Sous ma capuche et la grisaille, les petits parlent de flingue 16 ans. J'écoute flaque de sombre, je rêve d'une Puy 80G. J'ai plus le temps ni l'envie de traîner dans mon check à faire le million avec le Z. Là c'est comme voir Diaby en G-Star, ça à l'ancienne. On n'y pense plus trop, tout comme mes rêves brisés. Surtout quand je fais mal, les soirs je fais teaser. C'est pas qu'une impression, les études m'ont bien eu. Pourtant dans mon vécu y'a l'amour, la musique avant la rue. Si ça sent le souffle, c'est que je connais les darons n'ont pas lu. Je vais pas te raconter mes conneries, quoi que mes parents n'ont pas su. Pas de message pour mes sœurs, j'ai de l'alcool dans le foie. J'emmerde le monde, donc ramène ta cité devant moi. Je vais tous me les faire, j'rappe comme personne. J'attends pas de billets verts, mais en concert ma voix c'est un concept. J'ai pas déçu les frères, quelques potos en HP, quelques potos en zonzon. Enfoiré, je suis l'enfant seul, j'aurais pu goûter la pension. Connerie sur connerie, je suis mani comme je suis Tony. Tu connais le rabat, tu me connais, je suis plus connu des inconnus. Comme Coma, je rappe la rue, je rappe la vraie. L'amertume qu'on va soigner au Jack Daniel. Ah bah ouais, tu croyais quoi, les alcooliques mélancoliques. C'est la détresse du samedi soir, comme la jeunesse qui crame son shit. Je me rappelle qu'au départ, tu me demandais pas de suivre, ça compte plus tard. Je te parle toujours pas de fuir, tu m'as dit fais-le à fond, fais gaffe à la vie d'artiste. C'est pour la vie qu'on pactise. C'est fou comme un sourire peut te redonner de la force. Moi, j'étais plus bactère, t'as ouvert quand j'étais à la porte. Et puis j'avais pas de bif, c'est pas que j'aimais pas la mode. L'été on les voyait partir et nous on se butait à la drogue. On aurait dû rouler moins vite, car en bolage sur autoroute du bonheur. On a gardé le sourire, nos slips et puis notre honneur. Quand je me mettais à flipper, tu me disais je suis la cause. Maintenant, lève-toi, nous on a juré de finir la course. On s'en est mis des caisses à plus savoir comment on s'appelait, ouais. Et puis un jour la réalité nous a baffé. Je voulais que ça soit moins noir, j'ai réalisé qu'il fallait taffer. On était tous d'accord pour ça, mais bon, on l'a pas fait. Ouais, on l'a pas fait, mais aujourd'hui ça va changer. On sort des projets, des putains d'albums. Comment dans les packs, c'est octobre. Les liens que je crée sont plus forts que ceux qui se brisent. La vie avec l'âge, en hyperactivité. Quand on mâche en glopette, nous nos écorces se cassent. Avancer de SOS en cri de guerre grâce à mes cordes vocales. Font de moi un homme stable. Passer de la haine à l'amour, plus de l'amour à la haine. Y'a toute une morale à perdre, tout un combat à refaire. Comme un été trop j'étouffe, comme un métro rempli, comme un accord commun entre ma conscience et plus un crime commis. Personne n'imagine à quel point c'est dur d'élever un père qui part. Parle d'enfant d'un divorce interminable. Je vois encore des coups qui fusent avec mes frères, joue aux arbitres. Je ne suis pas chez les prochaines années, mais dur de parler d'avenir. Ça paie pas, mais ça soulage de passer la nuit dans le froid, ça. Ah, c'est ce que je me suis mis dans le crâne. J'avais du sky et plus de la weed dans le sac. Maman m'a dit Bellec c'est pas facile sans le bac. Ouais mais j'aimais pas l'école et puis j'ai rencontré des potes. Poula poula poula poula poula poula ça. Ça sans comment, cas. Comment comment 100 cas 7, 5, 16 toujours clan. Ça paie pas, ça soulage de passer la nuit dans le froid. Ça, ça, c'est ce que je me suis mis dans le crâne. J'avais du sky et plus de la weed dans le sac. Maman m'a dit Bellec c'est pas facile sans le bac. Ouais. Je préfère avoir affaire aux autres qu'à moi-même. Je suis sûr qu'un jour je serai sûr de moi, mais pour l'instant c'est qu'un rêve. J'ai pas changé pour une fille, on me dit que je suis dur en affaire. Ouais. Hey, je crois que dans la vie le plus dur c'est de rester sincère. Y'a pas qu'au pute que tu peux parler de trottoir. Ouais, j'ai dormi dans la street, déménagé trop de fois. Dans les HLM de province, les foyers de Paname, les squats de banlieue, les requins qui viennent du rock, ma dent des pompes. Personne peut mettre sans eux. Je vois mon père qui joue au dé, des mecs au ballon. J'ai perdu mon innocence avant de connaître la balle aux prisonniers. J'ai fait mes devoirs éclairés par des bougies. J'ai promis de marquer l'histoire. Je vais pas me faire peser par des groupies. Un max d'eau, terrain vague, on traînait tard la night. Je rappais mes paragraphes de penser à faire la maille. Chacun sa route, chacun ses doutes, un point c'est tout. On s'appelle pas qu'on te va bien, mais je sais que t'es là. Si un quartier voisin veut en découdre, alors c'est comme ça. T'as quitté la maison, maintenant c'est trop tard. Tu connais le programme. D'abord la dépression, vu que tu causes pas, t'as pas de réponse à tes questions. Tu dis que c'est comme d'hab. Tu pourrais vu l'avenir. Ça s'est transformé en dommage. C'est Claude Danse qui se pousse à faire pour avoir la plus grosse montre. Moi une ça m'a suffi. J'arrête, je veux pas fleurir sur ton front. Viens avec tes pochons. Une bande de sales gosses, tu perds arraché au gros son. Ton choclan, les autres arrêtent du ster. Il faut que tu continues ça. Vas-y, vas-y, laisse-moi partir en impro. Mon blast c'est Giorgio. Me laisse pas le mic, je vais bouffer le micro, gros. Ouais, c'est Giorgio, l'indomptable animal. Eh, hey, 22 janvier, on se capte à la cigale. Donc va pécho ta place. Y'aura 100K, Diaby, Rooster au mic, on te mettra des roosters. Ouais, on va te faire mal. Tu sais qu'on va te faire peur. Ouais, tu sais qu'on est que des putains d'old-timers. On est là pour faire le spectacle, pour faire le show. Tu sais comment ça se passe en direct de Skyrock. C'est plus un voix, ouais, c'est un Glock que des bastos. Tu sais comment ça se passe dans mon grec, mais pas de sauce, non. Non, j'aime grailler la viande comme ça. Ouais, je dédicace mes potes, je dédicace pas de l'Obsa. Je dédicace mon refrain, je dédicace la famille. Et tant que je suis hal, là pour le rap, ça sera pas la famine. Non, t'inquiète, j'ai toujours des couplets, des putains de 16. Tu sais comment ça se passe, tu sais qu'on est hal sur scène. On envoie des sales faces, sans qu'un reprend avant que j'occupe ces sales schlags. J'ai foiré le sport et délaissé les études. On a mis des carottes quand il fallait des écus. On devait faire des efforts et puis c'est là qu'on les a déçus. 7-5 dojos, on bave et nous on fait l'aller. Si on roule ensemble, il suffit juste d'avoir du bon sens. Pour que tu grimpes, on m'a dit, faudrait que tu sois constant. C'est quoi le pire, être insouciant ou être inconscient? On se posait pas la question, on connaissait pas le fric. On allait bien avant l'amour, moi j'ai pas capté le concept. Au final, j'aurais dû écouter son conseil. Un ref me disait, tu vas te perdre sans cas. Reviens ici, bébé, bête de shit dans le bat. Y'a des potes pires que par ou d'autres qui sont devenus tarots. Alors qu'ils savaient même pas de quoi se payer des garros. Je connais trop scars, des salopes, des meufs bien et puis des patronnes. Je les appelle Black, Shaolin en talon. Je prends un dessin à l'instant, ça me fait peur. Moi qui cours après les secondes, qui cherche à me situer dans l'espace. Avec le moral dans les pompes, je sais pas à quoi m'attendre. Si la vie s'arrête, parce que chaque jour est une énigme qui me consume plus qu'une cigarette. Le besoin d'être dans l'excès, le cœur dans la main, la tête dans les nuages, et puis les deux pieds dans le désert. Un grain de sable. sable à chaque question, une goutte de pluie à chaque réponse. C'est le bordel, une fois la tête dans la boue, bah je me défonce. Je voulais marquer mon temps, mais le temps va marquer mon visage. Ma vie c'est mes promesses, autant on emporte le ventre. Égoïste avec les autres, avec moi-même j'ai eu les croisades. Toujours des trempés avec moi-même avant 100 ans. C'est pas facile de s'aimer, y'a l'échec à nos trousses. Pas impossible de le semer, y'a le poussière en ce monde, c'est déjà beaucoup. Faut voir de l'autre côté du périph, aussi traverser les mers. Il est temps d'oublier, ouais que j'ai ramassé ses vers. On aimerait bien savoir ce qui se passe, bras. On aspire pas changer, donc on remet ça à chaque fois. On en a foiré des occasions de faire la différence. Mon shit il me faisait plus rire quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui c'est plus la même, les rangs sont absents, ils sont tous 5 fautes. Je crois qu'on est malade depuis pas mal de temps, le rap fait partie des symptômes. Donc on siphonne jusqu'à l'OD, j'avance avec des maux de ventre. Plus rien dedans, pourtant je suis ballonné. Je me dis que le temps passe vite quand ton type tape l'âge de foutre la merde. Un doigt pour le bac que qu'a fumé toute la zem. Je me dis qu'ici. Tu dis quoi mon frère? Tu dis qu'ici, quoi enfoiré? Je me dis qu'ici c'est la même. Ok ok ça part en impro en 4-4. Je suis nul à ça. Mais bon j'espère que tu vas pas mettre à 4 pattes. Mais bon pas. Il faut que j'enchaîne encore 2 mesures. Tu sais que j'assure Je te jure que t'assures ça, je me fais pas de soucis. Tu sais comment ça se passe, on voit toujours des plats de sushis. Depuis homme de l'ombre, tu sais qu'on n'a pas changé. Sans cas, il faut que tu me visères pour un pote, j'ai besoin de songer. Ouais car je baisse toujours des bêtes de blonde. J'espère que dans l'album c'est une bête de bombe. Moi je le sais car je l'ai déjà écouté. Tu sais que quand on rappe les autres, on les a dégoûtés. On les a dégoûtés, non. T'as écouté l'album. Est-ce que tu pourrais me dire dans la prochaine rime quel est ton morceau préféré? Que les autres soient jaloux. Tu sais comment ça se passe, que du flow pas du rime. Je crois que c'est les gens déchus ou bien les gens déçus. En fait c'est le même nom pour le même titre. Putain je m'envoie, c'est la merde mec. Tu sais que je reprends le mic, tu sais que je le fais. Tu sais que je le fais, ouais, ouais je vois ça. Enfoiré ce soir, t'as pas fait la lob ça. J'avoue, voilà. Tu m'as choqué, c'est de voir voir improviser. La rime étant et sans cas, on va t'applaudisser. À l'instant, en live. Bravo messieurs, une fois de plus, d'ailleurs il y en a un micro qui est mort pendant le, pendant le live. Je suis désolé, on va réparer ça. Un micro pour qui est dead pendant le live. Bravo, merci à vous deux, merci Giorgio, merci Sanka aussi. Bien, ouais. Bah, merci Fred. Beaucoup de gens qui demandent aussi où te suivre Sanka, on peut te retrouver aussi. Ben, j'ai ma page Facebook Sanka, mon Twitter Sanka la coloc, mon Instagram Sanka Black Shaolin avec plein de photos drôles, des trucs bizarres, des montages. Ouais, bah, allez voir les trucs bizarres. Sur ma page Facebook, dans les pages aimées par Giorgio. Cette page. Ouais, mais il y a la page de Sanka aussi sur ma page, voilà, Giorgio, G-O-O-R-G-I-O, X-V-3. Et ben merci vraiment en tout cas pour cette soirée. Ouais, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Yes. Ça s'en prononce, Skyrock t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. Kélis de Saint-Galmier, ça va bien, Kélis? Allô? Ouais, ça va et toi? Bienvenue dans ce Planète Rap. En forme? Ah, merci. Bah ouais, toujours. Je te présente Giorgio qui est là, qui est notre invité toute la semaine dans Planète Rap. Tu es prêt à faire tourner la roulette, Kélis? C'est parti. Salut. Vas-y. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, on y va. Ah ouais, énervé, Kélis. Ah, je suis toujours. Ah ouais, j'entends ça. Ah, t'as raison, déterre. Et eh ben voilà, Sopra, la tournée de Soprano, le Cosmo Tour, il y a deux places qui t'attendent sur la tournée. Yeah. On te souhaite une bonne soirée. Merci. Je peux passer une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors je passe une grosse dédicace à Sidi qui est en train de m'écouter là, à mon pote Chris. Je fais une dédicace à Lauriane et à mon groupe de danse. Eh ben ça roule. Merci à toi, passe une bonne soirée. Ciao ciao. Merci Giorgio. Et moi aussi je peux faire une dédicace. Vas-y, j'avais vas-y. Dit que je dédicacerai mon poteau Anto de Bordeaux. Force à toi mon sauce. Eh ben Anto de Bordeaux, merci Sanka pour la soirée, merci ma à vous tous. Ma petite sœur aussi. Et la Florine qui regarde ça. Toujours la famille. Et bah on se retrouve demain. Ouais, messieurs. Demain il y aura un peu plus d'invités. Là jusqu'à la fin de la semaine, il y aura de plus en plus d'invités. Pour l'instant, là. Tout va bien. Yes. Jusqu'ici tout va bien. On regarde donc demain entre 20 et 21. Et là c'est Diffoul et toute l'équipe qui doit être connectée maintenant pour la radio libre. Connexion effectuée. Ouais, salut tout le monde, salut Giorgio, salut Fredo. Salut. Coucou. Bien et vous? Bah ça a l'air d'aller. En tout cas. Ça va bien. Bah, il faut. D'après ce qu'on a entendu depuis 21h. Demain soir donc le retour, Giorgio, dans Planète Rap. À fond. Est-ce qu'on pourra passer vous voir à Diffoul aussi après? Est-ce que c'est possible? On n'est pas si loin avec que ça. Ouais, on n'est pas loin, c'est sûr. Je crois que c'est gérable. Avec son cas, ça nous ferait délire. Je pense que ça peut être possible. Bah, ça nous fera plaisir à nous aussi. Frère, c'est génial. Vas-y, on passera demain alors. D'ici, bah ouais, je vais vous dire demain. Merci la femme de vendredi. De toute façon, vous êtes là jusqu'à vendredi. Ouais, c'est ça. Et bah nous aussi, ça tombe bien. Juste après le Planète Rap, c'est Radio Libre sur Skyrock. Merci Giorgio. Et puis bah à très vite. Demain. Ça c'est sûr. Demain dans l'émission. Et vous tous en direct, bah dès maintenant dans l'émission, vous aussi, vous pouvez passer, hein. Profitez-en, 01 53 40 30 20. Vous nous appelez de toute la France, vous débarquez ici et vous pouvez nous dire absolument tout ce que vous voulez. C'est possible. Dans un instant, il arrive. Le prince Aladdin. Lui-même. Lui-même en personne. Je dirais même fuck le vizir. Allez, le prince, fuck le vizir. Le prince Aladdin, on retrouve Black M et Kev Adams pour démarrer la soirée. Pour tout le reste, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Si vous voulez être les premiers à passer dans l'émission, allez-y maintenant. On vous attend. Il y a toute l'équipe qui vous attend, la Marie belle comme d'habitude. Oh, merci. Magnifique. Exceptionnel. Oh, merci Fredo. Arrêtez, je vais rougir. Aussi beau que le planète rap de ce soir. Et puis tout le reste de l'équipe aussi. Salut à Najette, salut à Lam, salut à Titanium qui vient d'arriver. Monsieur Titanium, bonjour. La team Romano est là aussi. Sébastien vient d'arriver. Bah, vous aussi, débarquez en direct sur Skyrock. On vous retrouve tout de suite après Aladdin sur Sky. A tout de suite, salut Fred. Ciao. Ils les appellent dans toute la France. Pour 1500 euros, quelle est ta radio préférée?